Connaissez-vous l'exploration urbaine, urbex? Peut-être que vous ne le saviez pas, mais s'il vous arrive de visiter des lieux qui ont été construits puis abandonnés par l'homme, vous pouvez affirmer que vous pratiquez l'exploration urbaine. Et si vous voulez montrer à votre interlocuteur que vous êtes un initié, n'hésitez pas à remplacer l'expression « exploration urbaine » par le mot « urbex », qui vient de l'anglais « urban exploration ». Au départ, il s'agissait surtout d'une nouvelle forme de loisir, inscrite dans une logique de type patrimonial. Mais depuis une vingtaine d'années, cette pratique a suscité un tel engouement que les explorateurs urbains, qu'on appelle parfois les « urbexeurs », développent aujourd'hui des activités très diversifiées. Les plus téméraires ont acquis une forte notoriété en diffusant sur les réseaux sociaux des vidéos illustrant leurs exploits. C'est le cas des nouvelles pratiques sportives spectaculaires comme le parkour, avec un K, qui consiste à escalader des murs ou à surfer sur les toits des immeubles sur un skateboard. Parmi tous ces explorateurs urbains, certains se sont spécialisés dans la visite de lieux cachés ou difficiles d'accès, tels que des manoirs, des usines désaffectées, des hôpitaux, etc. D'autres préfèrent arpenter des endroits explicitement interdits, comme des tunnels de métro ou des catacombes. L'engouement est tel qu'aujourd'hui, l'urbex se transforme dans certains lieux en un tourisme de ruines, exploité par des tour opérateurs qui prennent en charge la visite des lieux abandonnés. Les formes nouvelles prises par l'exploration urbaine ne doivent pas nous faire oublier qu'il s'agit d'une activité pratiquée par l'homme depuis des siècles. Sans remonter très loin dans le temps, je rappellerai que les ruines de Pompéi fascinaient déjà les romantiques. La nouvelle de Théophile Gautier, qui s'intitule « Aria Marcella, souvenir de Pompéi », parue en 1852, transporte un des personnages dans une Pompéi qui reprend vie la nuit. Il est néanmoins indéniable que ce genre de pratique s'est considérablement développé à partir des années 1980. En Europe comme aux États-Unis, la désindustrialisation a provoqué la fermeture d'un grand nombre d'usines et de mines. La visite de ces sites industriels désaffectés, souvent organisés par des associations mémorielles soutenues par les pouvoirs publics, est devenue une dimension importante de l'exploration urbaine. Pour conclure cette chronique, je dirai quelques mots sur l'utilité que l'exploration urbaine peut avoir pour la recherche historique. Contrairement à ce qu'affirmaient les historiens méthodistes du XIXe siècle, l'histoire ne s'écrit pas uniquement avec des documents. Les archéologues ont montré depuis longtemps l'importance des fouilles pour retrouver des ossements, des objets, des ruines, bref, toutes les traces matérielles d'un passé révolu. C'est dans le sillage de cette quête du passé présent que s'inscrivent des historiens urbexeurs comme Nicolas Offenstadt. Dans son livre « Le pays disparu » sur les traces de la RDA, il montre que la pratique rigoureuse de l'exploration urbaine conduit l'historien à se faire explorateur, archéologue, journaliste, car c'est le seul moyen de retrouver les traces urbaines, rurales, industrielles qui rappellent l'existence d'un pays disparu, comme c'est le cas avec l'ancienne République démocratique allemande.